passerai la bague au doigt, j'suis charmé. Si t'as la foi, toi et moi, ce sera charmé. Baby, I don't know why. Baby, I don't know why. Tu sauras aimer mes failles. Avec moi où que j'aille. Baby, you are my best friend, my best friend. Tu ne seras pas lésé, mais bien baisé avec sentiment. You are my best friend, my best friend. Toi et moi, pas de meilleurs compliments. Non, je n'ai pas rêvé. Tu finis mes phrases avant moi. Je t'appelais bébé dès les premiers mots. Aucune n'a jamais su me cerner, je suis plutôt solo. Baby, you are my best friend. Tellement de fois on m'a tourné le dos. J'aimerais te donner bien plus qu'il n'en faut. J'ai confiance en toi, jamais déçu. Escalade-moi, viens vivre au-dessus. I don't know why. Baby, I don't know why. Tu sauras aimer mes failles, yeah. Avec moi où que j'aille. Baby, you are my best friend, my best friend. Tu ne seras pas lésé, mais bien baisé avec sentiment. You are my best friend, my best friend. Toi et moi, compliment. Baby, no lie, no lie, no lie. Sois à mes côtés, dépensant que la night. J'oublie toutes ces putains, tu es la seule qui m'aille. Soulage mon âme quand la vie m'assaille. Baby, no lie, no lie, no lie. You are my best friend, no lie. Jusqu'à l'enterrement, no lie. J'te donnerai tellement, no lie. I don't know why. Baby, I don't know why. Tu sauras aimer mes failles. Avec moi où que j'aille. Baby, you are my best friend, my best friend. Tu ne seras pas lésé, mais bien baisé avec sentiment. You are my best friend, my best friend. Toi et moi. You are my best friend.